Frédéric Sigrist, c'est à vous et vous nous faites ce matin dans vos blockbusters le bilan de l'année cinématographique. Oui Christelle, parce que très honnêtement, j'ai l'impression qu'en 2021, les salles de cinéma sont devenues des enfants du divorce. On se demande qui aura la garde. La génération qui a connu la nouvelle vague ou celle qui en est à sa sixième vague. Cette année, tu sortais un film intimiste sur une mère de famille au chômage qui élève son enfant handicapé dans un bassin sidérurgique près de Charleroi. Ton temps de présence dans les salles, il était de 3 minutes. Et ton taux de remplissage ressemblait au score d'Arnaud Montebourg à la présidentielle. Franchement, aussi bon soit la réalisation et les acteurs, en temps de Covid, Julia Ducournau qui sort Titane, un film sur une nana qui tombe enceinte d'une voiture à force de twerker dessus. Alors ok, c'est audacieux, mais c'est quand même hyper optimiste sur la cinéphilie du peuple français. Moi j'ai fait le test au réveillon, personnellement. Ma famille voulait un bon petit film de Noël, j'ai mis Crash de David Cronenberg. Et ben en voyant mes neveux pleurer, je me suis dit « Ah, c'est trop tôt ». Il faut dire à ceux qui ne l'ont jamais vu, Crash, c'est un film où les gens s'explosent en voiture juste pour pouvoir avoir une libido. Et puis, vu le contexte, les gros directeurs de multiplex, ils cherchent même plus. Le dernier Spider-Man, il y en a, ils étaient prêts à le mettre dans 9 salles histoire de rembourser les pertes de l'année. Moi j'en ai rencontré un, je lui ai dit « Quand même, Steven Spielberg, West Side Story, ça se fait pas de le retirer de l'affiche au bout de 15 jours, la musique, tout ça, l'ambiance !» Il m'a répondu « Ouais, ben quand Spielberg il filmera des Cubains en train de faire de la Zumba chez Doctor Strange, on en reparlera. Pour l'instant, c'est pas des migrants qui font des claquettes qui vont me nourrir. » On entend ça et on se dit que ça, eh bien ça a fait un bide au cinéma, mais la violence de l'industrie. Et donc le film le plus vu de 2021, c'est donc James Bond, Mourir peut attendre. Avec 4 millions de spectateurs. Faut dire avec un titre qui ressemble à une campagne d'incitation à la vaccination, m'étonnerait pas que les gens soient allés dans les salles pour avoir une troisième dose. Parce que Mourir peut attendre, ça fait très campagne INPES. Tu vois. Le tout porté par la joie de vivre de Billie Eilish. Ça te fout une de ces patates le matin. Billie Eilish, elle a appris à chanter dans une larme de Christine Angot. En deuxième position, Dune de Denis Villeneuve avec 3,16 millions d'entrées. Et là j'avoue, je suis très surpris Christelle, parce que Denis Villeneuve, c'est quand même le seul réalisateur capable de te faire un film sur des Arabes écolos, anticapitalistes, filmé dans des décors de Joël Pomera au TNP de Jean Villard, qui réussit à ne pas énerver CNews et Éric Zemmour. Franchement, chapeau Denis. En 3, c'est Spider-Man No Way Home avec 2,87 millions d'entrées alors qu'il n'est sorti que le 15 décembre. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé le milliard de recettes au niveau mondial. Je pense que le gars qui depuis 5 ans prédit que les films de super-héros, au bout d'un moment, ça va lasser le public, c'est le même qui a dû dire « Oh ben le Covid, c'est qu'une grippette » ou « Xavier Bertrand, change, je le sens bien pour les primaires ». Derrière, on trouve deux films français. Kaamelott d'Alexandre Astier, Le Roi Arthur, le super-héros que la France mérite. C'est vrai, il est roi, mais il veut pas l'être. Il a des chevaliers, mais il les trouve cons comme une poignée de porte. Il a une épée magique, mais il veut pas s'en servir. C'est un élu, mais il est en dépression. Il n'y a pas plus français comme super-héros que le roi Arthur de Kaamelott. Un râleur névrosé avec des dents exceptionnelles, sous antidépresseurs. Ça résume bien la France. Et enfin, le film choc Bac Nord sur les quartiers chauds de Marseille, qui a même impressionné Marine Le Pen par sa véracité. Parce qu'elle est comme ça pour aller sur le terrain, elle regarde des films. Depuis qu'elle a vu Matrix Résurrection, elle a mis un scotch sur sa webcam. Et le plus surprenant dans cette année cinéma, c'est de voir que des grands noms comme Spielberg, Ridley Scott ou Paul Thomas Anderson ne sont plus synonymes de succès au box-office. Le cinéma est de plus en plus fréquenté par des jeunes qui veulent vivre une expérience grand spectacle événementiel, à la manière des grands huit de fêtes foraines. Alors peut-être que dans le futur, à l'instar du Space Mountain, à Disneyland, auquel tu ne peux pas avoir accès en dessous d'une certaine taille, il y aura demain des films interdits au-dessus d'un certain âge. Le Covid a longtemps posé la question polémique de savoir si on n'allait pas devoir confiner les seniors. Eh bien en 2021, chez les réalisateurs, le choix a déjà été fait. Sauf que l'EHPAD pour un grand réalisateur, on appelle désormais ça Netflix. Frédéric Sigrist, toutes vos chroniques blockbusters sont sur franceinter.fr ainsi que vos podcasts d'une heure du même nom.